Bonjour à tous, moi c'est Alicia, j'ai 15 ans et je suis en stage à Radio Méga et je vais vous raconter les 2 semaines passées là-bas. Pour commencer, la Radio Méga est d'abord une association qui agit pour la protection de l'environnement. La radio est accessible à tout le monde. Beaucoup de personnes travaillent là-bas en tant que salariés mais aussi en tant que bénévoles. Elle a en sa faveur de nombreuses émissions radio. Elle met donc en œuvre la transmission et diffusion de la connaissance pour que tout le monde comprenne le monde qui l'entoure. Radio Méga est donc une radio locale proposant des programmes variés, curieux et créatifs. Je vais donc vous dire pourquoi ai-je voulu faire ce stage à Radio Méga. C'est tout simple, passionnée de musique que je suis, je me suis dit « et pourquoi pas faire ce stage là-bas ?» Et j'y ai bien fait, j'apprends tellement de choses, comment les émissions sont écrites et faites, parler au micro, faire des interviews, podcasts, etc. Mais revenons à moi. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis passionnée de musique, mais tout particulièrement de rock et de métal. Et j'aimerais bien vous faire découvrir 2 groupes. J'aimerais vous parler du groupe de rock Maneskin. Ils sont 4, chanteur, guitariste, bassiste et batteur. Ce groupe est assez récent vu qu'il date de 2016 avec 4 albums à leur compte. Et c'est un groupe italien qui a commencé à avoir une certaine visibilité après avoir gagné l'Eurovision 2021 avec leur chanson phare Zitien Buoni, qui en français veut dire « taisez-vous et tenez-vous correctement » et « I wanna be your slave » en français qui veut dire « je veux être ton esclave ». Donc je vous propose d'écouter Zitien Buoni de Maneskin. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso. Je vais ensuite vous faire découvrir un groupe pop-rock qui se nomme Tokyo Hotel. Ils sont aussi 4, chanteurs, guitaristes, bassistes et batteurs. Comparé à Maneskin, Tokyo Hotel n'est pas si récent que ça, vu que ce groupe date de 2001. Tokyo Hotel est un groupe allemand qui ont 7 albums à leur compte. Ils sont surtout connus pour leur chanson Don't Jump, en français qui veut dire ne sautez pas, ne saute pas, pardon, et Shrey qui a aussi eu le droit à sa version anglaise Scream qui veut dire crier. Donc je vous propose d'écouter Scream de Tokyo Hotel. Et voilà, c'est tout pour ce petit partage de culture musicale. J'espère vous avoir fait découvrir deux super groupes.